Crédit d'impôt recherche. Dans une mise à jour de sa base BOFIP, l'administration a instauré par voie doctrinale un rescrit dit « roulant » pour le crédit d'impôt recherche afin de permettre la révision d'un rescrit initial. Ainsi, en cas de modification d'un projet de recherche pluriannuel, par exemple la modification de certaines composantes de ce projet, les entreprises ayant déjà obtenu une prise de position formelle de l'administration confirmant l'éligibilité de leur projet pluriannuel au crédit d'impôt recherche, peuvent solliciter la révision de la décision initiale. Cette demande de révision doit être déposée au moins 6 mois avant la date limite de dépôt de la déclaration et l'administration se prononcera sur la demande dans le délai de 3 mois. À noter que ce rescrit roulant est ouvert aux entreprises depuis le 1er octobre 2016.